battons-nous. Maintenant là, pour la pour moi. Pas jamais rencontré, mais pas ta jambe découragé. Mais je dis à mon croisé ou qui vient, moi fou pour. Même si nous pas qu'en rencontrer, moi t'as toujours espéré qu'un jour nous t'as chez ta la sienne entière. C'est vrai, nous t'es fait pour nous te rencontrer. Mais trois amis t'es pas le même des roues. Yo te dim ke mon nou ye, ye ye. Se jodi a nou vin renkontre, se jodi a nou tombe pale. Mwen ta vraiment senti ou tu pwè pou pwè mwen. Dommage, nou pa te rencontre depi bien nan vi. Dommage, nou pa te wè nou jusqu'à présent. C'est fait pour nous rencontrer. T'as préféré pas sans bâtir. Où j'aime des cas tomber sous. Même c'est menté trois fois, sept fois. Moi, vraiment, c'est pour la vie. Moi, t'as ramé ou pas, j'en quittais. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci, bon Dieu. Merci, bon Dieu.